Avait un joli nom, mon guide Nathalie. Oui, yeah, yeah. La sauge était blanche. C'est vrai. La neige faisait un tapis. Comme à Québec. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Ouais, on y était en février. Je pensais déjà. Oh! Qu'après le tombeau de Léline, on irait au café Pouchkine boire un bon chocolat. Un chocolat. Ouais, mais un bon. Super, un bon. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, la souris. Elle a souri la petite. Il avait des cheveux blancs, manqué de Nathalie. Nathalie. Oh, vas-y, oui. Sa chambre à l'université, une bande d'étudiants, allez la bande, l'attendait impatiemment. Ah oui, la bande attendait la bande. On a ri, on a beaucoup parlé, il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Translation d'Athalise. Moscou, les plaines d'Ukraine. Et les Champs-Élysées, on a tous mélangé et on a chanté. Oh, ils ont débouché en riant à l'avance. Les champagne de France, ça va se passer. Chauffe la scène, chauffe. Et quand la chambre fut vide, oui. Les amis étaient partis. Oh, nos amis. Je suis resté seul avec mon guide Nathalie. Et plus question de phrases sobres. Non, pas de sobriété là. Ni de révolution d'octobre. T'as bien raison. On n'en était plus là. Non, loin de là. Adieu le tombeau de Léline. Le chocolat de chez Pouchkine. C'était loin tout ça. C'était loin. Loin déjà. Très loin. Que ma vie me semble vide. Sans Nathalie. Mais je sais qu'un jour à Paris. Ah oui. C'est moi qui lui servirai de guide. Nathalie. Restez avec lui. Rappez dans les mains, s'il vous plaît. Choui, choui, on avait du plaisir avec tout ça. Entre le tombeau de chez Pouchkine. On allait manger des petites bines, des fèves au lard. C'est loin déjà tout ça. Résister, c'est la grande affaire. Résister à l'insignifiance ambiante, c'est déjà quelque chose. Mais pour ne pas tomber dans le cynisme qui est la maladie des gens intelligents, il faut savoir résister à l'argent et au découragement. Extrait du livre « Il y a trop d'images. Un livre de M. Bernard Aymon chez Lux Éditeur. Entre 1993 et 2010, M. Aymon nous a proposé un recueil de ses réflexions des plus intéressantes. Hier, j'avais le Always Passablement Never. Et là, c'est pas pour entamer

faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, là, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. Un tonnerre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hey, j'ai reçu ma poupée gonflable, mais voyons donc, toi. Hey, je suis excité, on arrête l'émission. Oh, pardon, bonjour. L'absurde aventure. Comment ça... Et déjà, mon, t'es préparé. Tu l'as pas gonflé à l'hélium, mon insignifiant. Oh non, quelle soirée incroyable. Je vais me sentir comme un cowboy monté sur son cheval. On fait de les micros et tout. Bonjour. L'absurde aventure, comme je le disais, j'ai la frénésie au bout du goulot. J'ai la frénésie. C'est pas vrai, il va pas chanter. Au bout du goulot. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. C'est juste ça. Ben oui, mais ça, c'est l'inspiration. Sens-tu la montée? Ben moi, je sens la nausée. Je rejette. Ah, ben moi, là, c'est ma sauce à spaghetti. Je pense que j'ai mis trop de fromage. Comment ça, tu mets du fromage dans ta sauce à spaghetti? Ben, je la trouvais trop liquide. J'ai dit, on va faire pâteuse. Ben là, c'est toi qui pâtis, c'est moi qui pâtis. Aïe, aïe, donc, ça donne mal au ventre. Eh ben, c'est le fromage qui nous travaille de même. Non, c'est de la tomate. Oh, bon. Comment ça, la tomate? Ben oui, c'est de la tomate, là, frôlatée. Ben oui, il n'a jamais entendu ça, une tomate frôlatée. Ben oui, ça frôle l'incontinence. Ça frôlatée, frôle. Mais moi, ça me frôle l'intestin, oui. Oh, bon. C'est certain que je vais pouvoir me rendre jusqu'à la fin de l'émission. Ah, oh, ben là, oui, ben là. Rends-toi où tu veux, mais fais pas ça partout. Ah, mandou, non, messieurs, on fera pas ça partout, de l'humour comme ça. Il faut garder ça dans nos mémoires. Dans nos mémoires, on se souvient encore de cette histoire des deux amants retrouvés morts. C'est une histoire qui revient à l'aurore. Comme dans le noir vit le premier rayon d'or. C'est là, ça va pleurer. Les fiancés. Oh, on dirait Mireille Mathieu. Vous trouvez? Je ressemble à Mireille Mathieu. J'ai la voix. Le monde est mieux, Mireille Mathieu. J'aime mon public, j'aime ma radio. Mais le monde est mieux, merveille Mathieu. C'est vrai qu'elle a une belle voix, une voix qui sort par les naseaux. Moi, je ne suis qu'un vrai coco, car mon idole, c'est Mireille Mathieu. Mireille. Je chercherai mille cocombes. Mais c'est chez cocombes. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Le coton flotte en boule blanche et vient de se coller aux cheveux. Dans un temps humide et frileux, une forte odeur d'huile entre. Fidèle aux jours qui vont et passent, comme hier, aujourd'hui repasse, de l'usine à la messe basse, la grande maigre et la courte grasse. Elles sont habillées de noir, de la boîte à lunch au chapeau. Leurs grands de leurs trop longs manteaux remuent le sable des trottoirs. Elles s'en vont, elles reviennent, deux ombres noires sur fond gris me font image de leur vie. Que dirait-elle de la mienne? Je suis venu au monde seul comme tout le monde. C'est seul que je continue ma vie. À Dieu le Père, je pourrais répondre. C'est jamais moi qui a fait le bruit. Pour vous imaginer mon allure, pensez à octobre sous la pluie. et pour l'ensemble de ma tournure au plus long des longs ormes gris. Comme on dit dans la fleur de l'âge, je suis entré à Fatri Coton. Si les machines font trop de tapage, je suis pas causeuse de profession. La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler le bas de coton dans un moulin en forme de jambe en passant de la cuisse au talon. Quand la sirène crie délivrance, c'est quoi de le dire, je suis au coton. Mais c'est comme dans ma petite enfance, la cloche pour la récréation. Eh oui, c'était un texte de Clémence Desrochers, une chanson de Clémence Desrochers. Il y a un petit passage. Hommage à Clémence Desrochers. Elle aimera pas ça, elle va pleurer de honte. Oh mon Dieu, excuse-moi, ma belle Clémence, je t'aime. Aujourd'hui, le vendredi 12 février 2011, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du créateur Yann Pechin. Yann Pechin est un guitariste et compositeur français. Il a signé quelques musiques et chansons pour Christophe Miossec, Marie-France et Chloé Mont. Il accompagnait sur scène Alain Bachung. Aujourd'hui, il poursuit son chemin artistique avec des artistes comme Brigitte Fontaine, Jacques Higelin et Hubert-Félix Thieffen. Maintenant, enrobons-nous en ce vendredi. Proposons-nous un ruban, un fil humaniste imagé entre vous et moi. Un voyage chargé pour cette nuit automnale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, oui, oui. Alors, on est sérieux, hein? C'est beau pendant quelques secondes. Hey, on dirait que c'est comme une émission classique de radio. Ouais, mais c'est pas radio classique, ça là. C'est une radio anarchiste, libertaire, pamphlétaire. C'est pas, en fait, cette radio-là ne l'est pas. Mais l'émission l'est, elle. Les elle qui? Les elle lui, les elle s'envolent. Oh mon Dieu, les ailes s'envolent. C'est pas rare, on a déjà vu ça, nous autres, là. Il y a comme des petites ailes de poulet, oui. Des petites cuisses au poulet, mais là, les petites cuisses, ça vole pas, ça. Ah, bon, oui, mais ça fait voler l'imaginaire de tous ces hommes. Ah, c'est entièrement raison. J'ai pêché. T'as pêché? J'ai pêché 2 poires, 1 banane, 3 rames, 1 pomme, 1 melon, 1 banane, j'ai pêché. Comme le hasard, j'ai pêché du hasard. À soi, ma belle, en montant, puis j'ai tourné mes deux menus. Oui, du temps en temps, moi j'ai les bleus. De temps en temps, moi j'ai les bleus. De temps en temps, moi j'ai les bleus. De temps en temps, moi j'ai les bleus. Les bleus d'argile, les bleus turquoise, les bleus dentelle, les bleus pastel, les bleus d'amour. Les bleus tout le tour. De temps en temps, j'ai pas si mal. De temps en temps, j'ai pas si mal. Quoique là, j'ai mal en dessous de l'aisselle. T'as mal partout, toi, là! À t'écouter, là, on va appeler l'ambulance, on va t'embarquer. Ah, embarquez-moi, puis s'il vous plaît, ne me ramenez plus. Non, mais on va te ramener, mais tu t'en souviendras plus parce que les prescriptions, moi, le docteur m'a dit là, que t'as la frénésie au bout du goulot, OK? Ils vont te prescrire, ma petite championne, un zeste de courage, je prends ça en note, comme je vais dire au médecin de t'en prescrire, un zeste de courage, c'est ce qui te manque. Un zeste de courage, une goutte d'humour, deux gouttes d'humour, ou l'émission Errance Rénaldienne. Tiens, émission Errance Rénaldienne, ah, oh, bon, ça dure 2 heures, ça, là. Ça fait dur pendant 2 heures. Ben, ça fait dur, mais ça perdure. Ça perdure parce qu'on prend pitié de toi, prends pitié de toi. Lorsqu'on regarde les vidéos et qu'on écoute la radio, on a pitié de toi. On a pitié de toi. Lorsque tu diffuses ta médiocrité à travers toutes ces sociétés qui se veulent cachères et cocher ceci, on a pitié de toi. On a pitié de toi. Toi qui frappes partout sans jamais atteindre une cible, on a pitié de toi. On a pitié de toi. Toi, excusez-moi. Toi qui ne veux plus savoir car tu es un ignorant heureux, on a pitié de toi. On a pitié de toi. Toi. Ben, pas toi, là, mais toi et toi qui a un toit et qui encore a froid. On a pitié de toi. On a pitié de toi. Toi qui un jour as demandé le silence par amour, prends pitié de toi. Par amour? Par amour, par amour. Moi, je connais le parasol, là. Non, par amour, prends pitié de toi, prends pitié de nous. Toi qui un jour as dit « cesse le propos et laisse giguer la musique », on a pitié de toi, on a pitié de toi. Toi qui veux maintenant que l'on s'arrête et que l'on nous amène quelques musicalités intellectuelles et sonores, tu as raison, toi. Amen. Bien en ce moment, elle va pas fort. À croire c'est cette histoire de viol qui la travaille encore. Ça fait 3 semaines, c'est du passé. N'y pense plus, moi je t'ai déjà pardonné. Mais oublie, moi c'est pas difficile. Fais un effort, c'est quand même pas si terrible. Je la comprends pas bien, elle n'y met pas du sien. Le médecin dit qu'elle est choquée, mais moi, je sais bien. Elle est chiante, elle se bloque pour rien. Elle refuse qu'on fasse un assingue avec des copains. Mais oublie, moi c'est pas difficile. Faire un effort, c'est quand même pas si terrible. Faut dédramatiser, j'essaie de la faire sourire. Allez, rigole, oh là là. Violée dans le 16e, bah ça aurait pu être pire. Sur le capot d'une Porsche, c'est quand même pas rien. Et puis un, je suis sûr que t'as trouvé ça bien. Allez-vous, et oublie, moi c'est pas difficile. Fais un effort, c'est quand même pas si terrible. Apprenant le petit incident, les copains ont appliqué. Ah, ça dit ça va. Oh, ouais. Est-ce qu'elle va mieux maintenant? Est-ce que ça l'a décoincé? Non, je crois pas, je peux pas vous la péter. Désolé, je crois qu'elle est légèrement crispée. Mais oublie, moi c'est pas difficile. Fais un effort, c'est quand même pas si terrible. Mais oublie, moi c'est pas difficile. Fais un effort, tu crains rien, t'es stérile. Ok, déjà j'avais fait pas mal de disques africains, tu sais, j'avais travaillé aussi bien avec des gens comme Papa Wemba, des AXXL, Mayweather, des gens qui sont vraiment des artistes. Oui, qui sont très connus. Parce que j'avais beaucoup joué très jeune avec des musiciens africains aussi, okay. Jeunes. Donc du coup j'ai travaillé ça et j'ai fait ça pendant 3 ans à peu près. Pendant 3 ans je n'ai fait que, j'ai joué avec Sheikha Rinicky, la grande chanteuse de 80 ans de rail. Oui, oui, oui. Donc, oui j'ai oui. fait tous ces artistes-là, tous ces artistes de rail, comment dire, de Bilal, Rimiti, que l'on appelle la musique du monde, chez Kazawania, tous ces artistes. J'ai fait plus ces artistes africains. Et tu sentais à l'aise là-dedans? Oui, oui, j'étais. Pourquoi? Vraiment. C'est parce que c'est une musique spirituelle? Oui, et puis parce que c'est une musique très improvisée, avec une grande liberté. Puis j'aime bien l'idée de ne pas savoir où je vais. Okay. Et je me suis retrouvé. Ah, mais ça, c'est vrai. Hein. Je faisais des concerts dans des zéniths où je montais sur scène avec des artistes dont je ne connaissais pas le répertoire. Ben oui, mais tu avais pratiqué avant? Non, même pas. Oui, j'avais écouté. Mais oh, je montais sur scène, je ne savais même pas ce qu'on allait jouer. J'écoutais l'intro du morceau et on partait. Et on faisait 3 heures de concert dans des zéniths de 6000 places comme ça. Et mec, tu? Et ah, mais j'adorais ça. J'adorais avec ça. Avec qui? Ben, je t'ai dit, avec chez Karim et Ok, c'est les gens du Nouvel Âge. Voilà, de tous ces artistes de World Music. De World Music, voilà. Musique orientale, en fait. C'est un bol d'air frais, j'avais envie de changer d'univers. Et puis après ça, ben en fait, j'ai eu envie de revenir, c'est marrant parce que sans que je le décide, j'ai eu envie de revenir à la musique, tout d'un coup, j'ai repris goût à la pop musique, j'ai repris goût à la chanson, j'ai repris goût. Et ben derrière ça, je me suis remis directement, le premier coup de fil que j'ai eu après ça, quand j'ai dit tiens, j'ai envie de revenir à la musique française, ça a été mis au sec. Joli goût ma chère, cette nuit sous les étoiles et je ne sais plus trop quoi faire. Je me sens seul, je me sens sale et ça me fout un peu en l'air d'être bon que pour les râles titubants sous les réverbères qui me rendent encore plus belle. pierre à la recherche d'un animal qui se laisse refaire. Pour qui ce serait égal d'avoir un homme droit et fier, ou un qui s'étale et qui jure contre la terre et la mer et les étoiles. Sans un regret, sans un adieu, sans un soupir, sans un cette nuit après le bal, et ça me fout le cul par terre. Dans les endroits un peu sales qui sentent si bon la bière, la bonne chaleur de l'animal qui se mange, qui a salé la mer, qui a sali la terre, ça t'était qu'elle. Sans un regret, sans un adieu, sans un soupir, sans un. Comme vous, j'écoutais Christophe Miossec, c'est très très bien. C'est... Là, ici, ben, je comprends pas, moi, je très souvent, je passe dans les radios communautaires en autobus, et je vois des gens qui font des émissions de radio et qui vont fumer à l'extérieur pendant que la musique joue. Et ça, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ça. Moi, lorsque je fume, c'est très personnel, eux, sans doute, s'accomplissent là-dedans, j'ai absolument rien contre, bravo, on vous aime, mais moi, je peux pas me dissocier de ce que je fabrique actuellement, ce que je fais, ce que j'improvise. Donc, je dois être là, écouter la musique en même temps que vous, être dans le même moule, être dans la même enveloppe, pour vous donner la sensibilité qui revient à la chanson qui vient de passer ou à l'improvisation qui est à venir. Donc, enfin, c'est étrange, mais il faut dire que la cigarette, c'est de l'esclavage, là! Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Il a dit le message, hein? Ah, oui, là. Je pensais pas qu'il allait aller aussi loin. Ah, bon, il s'en rend pas compte. Ouais, vous avez... vous croyez, madame? Ah, moi, là. Êtes-vous sûr, madame? Ah, moi, là. Madame, oui, moi, là. Madame, oh, mais non. Madame, oh. Ok, là, ici, maintenant, attribuons, et ça, c'est d'interrogation musicale, hein, croyez-vous? Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et quand on dit « entre », on croirait le ventre. On va rentrer dans le ventre de l'oncle Buck. Hey, « oncle Buck, on peut-tu rentrer dans votre ventre? Êtes-vous en train de digérer de la viande ou de la bière? L'ensemble des deux? » C'est merveilleux. Alors donc, on a pris, on a osé prendre un petit bout de vous. Est-ce que ça vous fait plaisir? Bon. Alors, on déchire, on regarde. La première phrase, c'est « je suis allé voir ». Et j'ai dit « je suis allé voir ». Ah, je pensais que tu avais dit « je suis allé boire, boire, boire ». Boire des amis? Ah, oh, bon, et moi, c'est régulièrement, ça m'arrive, moi, boire des amis. Surtout, c'est ça, non, on va s'arrêter là, mais « je suis allé voir ». Comment ça, tu veux t'arrêter? Mais c'est de la censure. Oh, bon, Défais ta censure, toi. Hey, c'est vrai, on se sentirait mieux si on défrait notre... Madame Tremblay, oui. Madame Tremblay, oui. Voudriez-vous, s'il vous plaît, parce que moi, je suis plus capable, hein? Je suis assis, puis là, j'ai la censure bien bloquée sur mon... pouvez-vous me désensibiliser de la censure? Ah! Pas encore. Prenez les ciseaux, au pire. On va prendre les ciseaux de la censure, et puis on va couper. Merci. Couper ici, là. À droite, à gauche, aïe, aïe. Pas dans la peau, là. À côté. Ah, non, ben oui, à côté, pas... oui. Dans la censure, mais pas sur la peau. Oh, mon Dieu, on va tenter. Tenter. Je tente ma chance. Non, non, non, non, non. Ne tentez pas. Allez-y. J'y vais. Bon. Alors, c'est ça. Moi, je suis allé voir bien des amis un soir. Il y avait Rita Bibelot, toujours la belle Rita. Elle est prête dans toutes les aventures, elle, la Rita. En plus de tourner la sauce à spaghetti de Mme Thibodeau, qui n'arrête plus, qui a une tendinite au niveau de la chevelure, hein, parce qu'elle, c'est comme une guitariste de death metal. Elle se ramène le bras, les cheveux, la tête. Hey, c'est de toute beauté. Avec les 95 kilos de trop, c'est un osmose merveilleux. On appelle ça des tremblements de terre ici chez nous. Et puis donc, elle tremble souvent à la terre. Donc, Mme Bibelot, elle aime bien et châtie bien. C'est-à-dire qu'elle calme, le tout. Elle dit, écoutez-moi, oh mon Dieu. Quand elle dit ça, là, tout le monde veut la sortir parce qu'elle va amener une bride de son existence qui intéresse personne. C'est toujours la même affaire qu'elle parle. Elle parle de ses enfants. Elle parle de son travail. À part de son mari, à part de son temps passé. Oh, mais elle parle pas de ses idées, elle n'a pas d'idées. Elle a des idées à partir de ses enfants, de sa vie, de ses enfants, de son mari, de son travail et de son temps passé. Puis là, elle n'a aucune projection non plus. Elle est comme fermée dans son petit mini. Tout est mini dans notre vie. Dans le microcosme, oui. Dans son microcosme, il y a tout pour en faire un beau cancer, là. Hein? Un cancer, pas juste un petit cancer de n'importe quoi, un beau gros cancer généralisé. Ouais, tu penses que c'est comme ça que ça... Non, non, non, non, non, non, non. Les cancers, là, c'est beaucoup plus cancer que ça. Hein? C'est hypocrite, un cancer. Ça te regarde, ça dieute, ça t'observe, ça le sait. Ça s'est valsé autour de toi. Oh, bon doux. Sans te prévenir. Et avec sa main de traître, il va t'anéantir. Quand on revient de vie, on est plus grand, plus fort. Et alors on se rit d'avoir eu peur de la mort. L'espoir vient de renaître. À nous de le conserver. Repoussez les faux traîtres. Voilà la liberté. Repoussez les faux traîtres. Voilà l'éternité. Mais ça, c'est pas ça. Le cancer est là, là. Il gravite. Il sait que tu as peur de lui, là. Mais il se prépare à rentrer pour être pas un petit point dans ton être, mais renrober ton ensemble pour à un moment donné te néantir. Hein? Là, tu te dis, ben, je suis quoi vis-à-vis ça? Là? T'es pas grand-chose, toi, là. T'as qu'un être vivant qui va mourir, qui est né, qui va crever, puis qui va avoir passé à travers cette existence, tu vas avoir croisé des mains, embrassé des bouches, tu vas avoir rencontré des individus obscurs ou très personnels, et ce n'est que ça, ce n'est que chamade, là, mon Dieu, la chamade, ah, moi, j'ai la chamade au bout de la langue, ah, mon Dieu, je l'ai eu la semaine dernière, moi. Là, ma belle Sonia m'a dit, c'est très simple pour enlever la chamade. C'est quoi? C'est du vinaigre. Ah, oh, mon Dieu, la langue dans le vinaigre. Ben oui, ça enlève la chamade. Puis là, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne une belle langue lisse. Une belle langue lisse. Une langue lisse comme la langue de chez nous. Et tu sais, ça, c'est une langue lisse. Est-ce que c'est une langlisse ou une réglisse? Je ne sais plus. Est-ce que, attends, est-ce que je peux appeler là? Ben, appelle-la! Appelle-la! Ben, je peux pas l'appeler. Comment ça? Ben, j'ai pas son numéro. Mais disons que c'est une langlisse. Une langlisse. Une longue liste d'amour qui te dit: ah, tu es sauvé, voici le rédempteur. Ah, tu es sauvé, voilà, voilà, voilà. Oh, tu es sauvé. Et là-dessus, nous te souhaitons que de belles routes, que de beaux chemins pour t'épanouir. J'ai toujours la frénésie au bout du goulot. La phrase de Charles Bukowski, le titre, c'est « Le grand poète ». Vous êtes à CKRL, le 89.1, à Québec, à Québec.

à ton insu venir peser tes grammes. On me dit que tu passes quand ton livreur te met en rade. La plupart de mon tas, rien faire, garder les gens faire. Quand tu les entends parler, tu reconnais les gangsters. Chuchote, plus de chiffres que de lettres. Se chahutent sur leurs chiffres d'affaires. Ça se taille, bossant les dossiers sexuels. Les premiers flexis deviennent vite grossiers. Ainsi, va en bas des immenses barres de béton tous en parallèle. On se rappelle quand j'ai le temps, on fait la mer. Dans ma vie, mais tout le temps, on passe accès à longue autonomie, les douze bombes, la sorcellerie niquée. Je veux venir vivre et tout, certaines fiertés psychologiques, fouille les rues et tombe sur mon positif. Dans ma vie, mais tout le temps, à cause des pots d'échappement, à cause des pots d'échappement. Rocco. Ouais. C'est qu'au lieu de faire des... En fait, il y a eu 2 mois d'audition. Et en fait, tous les jours, des musiciens venaient. Ils montaient une équipe différente tous les jours. Il y avait guitare, basse, batterie, clavier, des cordes. Et en fait, c'était des auditions qui duraient la journée. Voilà. L'audition... Donc moi, j'étais contacté. Et en fait, quand on arrivait en audition avec Alain, tout d'un coup, on n'avait pas du tout... Déjà, on était totalement à l'aise. On n'avait pas la sensation d'auditionner. Okay. C'est-à-dire que tout d'un coup, on jouait les morceaux, mais comme c'est pas comme quelqu'un qui fait une heure et qui souvent quand on fait une audition pour un artiste, les gens sont un peu stressés, sont au bout d'une heure, ils peuvent se dire. Là, on répétait toute la journée. Donc au bout d'une heure, on oubliait totalement qu'on était en audition parce qu'on était en répète. Ils disaient, tiens, on va répéter tel titre, on essaye ça. Et puis ils disaient, tiens, de la basse, plutôt ceci. Il écoutait, et voilà. Et ce qui fait qu'à la fin de la journée, on avait joué comme on voulait jouer. À aucun moment, on s'était senti frustré de se dire, tiens, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de figure imposée. C'était vraiment, on jouait les morceaux, ouais. Mais en même temps, ils nous laissaient une totale liberté de, voilà. Et du coup, et après, en fait, moi, je suis revenu plusieurs fois. Après, en fait, il sélectionnait des gens par rapport à ce qu'il est et à chaque fois, après, il faisait revenir un batteur, un bassiste, un truc qu'il avait aimé. Et progressivement, il montait son équipe. Et tous les jours, ça durait 2 mois comme ça jusqu'à l'équipe complète. Black man, black heart, black soul. Je l'avais dit, jadis à 10 de midi. Je l'avais dit jadis à 10 de mes disciples. L'esprit de 68 aujourd'hui se dissipe. On jette l'éponge tandis qu'il lançait des pavés. La chanson engagée laisse place à la variété. La dialectique new age prend de l'essor. Flou artistique, shorty, disque d'or. L'industrie du disque d'or d'un profond sommeil. Et la plèbe bébiscite et s'excite sur ce qu'elle aime. Et elle aime ce qu'on aime sur les radios FM. C'est le dernier coup d'un mythe de l'artiste qui s'est engagé sur des principes d'éthique. Je ne sais plus, comme positif black soul. Ce style est du solar et le message est d'irradicool. Tranquille, je me place sur le temps. Voici la funk mob à nous dans un instant. Je l'avais dit jadis à 10 de mes disciples. À 10 de mes disciples. Je laisse parler, mon âme ne rap avait besoin d'aide. Il sort de la sclérose grâce au J-A-Z-Z. Repousse les limites de la boîte à rythme. Ternaire sont les rythmiques et naissent les mêmes mythes. Le jazz exprime depuis ses origines un feeling en mercantile, une profondeur de style. C'était de la musique humaine évolutive, une révolution musicale, une résistance active. Les milices musicales nous balancent à l'époque. C'est la dépravation, les négros et la dope. Alors je pèse ou pèse ces kilos de foutaise niaise. En fait la synthèse pour dire qu'en 96, si le rap excelle, le jazz en est l'étincelle qui flambe les modes qui sont à temps partiel. Je l'avais dit jadis à 10 de mes disciples. Je l'avais dit jadis à 10 de mes disciples. Les pistolaires continuent, car voici le fax. Les écrits restent et les paroles se plaquent au wax. Les rebelles bilingues parlent la langue de bois. Entends le showbiz et ensuite ne parle pas. Je pèse ou pèse, leur kilo de foutaise niaise. En fait la synthèse, pour dire qu'en 93, c'est le consensus de Madame Tussaud. Les blaireaux et les mimes ont la faveur des gos. Ouais. Les stars du showbiz font de l'audimat sur les fils de Tito qui se servent au pro à de ma zup. Je zappe Mac et puis constate une attaque bosniaque et puis l'audimat. Pourtant quand c'est Rambo, ce sont des artifices. Les infos sont les fils du box-office, hein. Comme le dit c'est fini donc A plus, let's go. MC Solar pour un test de micro. Je l'avais dit jadis à 10 de mes disciples. C'est un test de micro. 1, 2, 1, 2. Un test de micro. 1, 2, 1, 2. Ouais, mais t'étais pris dans quoi? Mais là, j'étais pris dans la pause café, là. Ah, mon, une pause café à cette heure-ci? Ben oui, il n'y a pas d'heure pour le café. Ah, ben ça, ça. Le café unit tous les unions qui... là, c'est quoi, là? Ben, c'est le micro. Ben, voyons donc. MC Solar, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un test de micro. Ben, Errance canadienne aussi, on en fait des tests de micro. Ah, oh, bon, ben là, c'est pas le moment parce qu'on est déjà rendu à presque à la fin du moment. Le moment où il ne faut pas tousser. Oh, excusez-moi. Pardonnez-moi. J'ai omis. Et je demande à toutes les oreilles discrètes et indiscrètes à me pardonner. Ben là, on ne pourra jamais te pardonner, toi, là. Comment ça? Ben, t'as toussé au... devant des millions. Des demi-millions. Est-ce que c'est des... Au même titre que des quarts de poitrine, ça, c'est comme des quarts de poulet. Des poulets. Ah, mon doux. Le quart... Un quart de poulet qui te suit sur la 3e avenue à Limoilou. Là, c'est pas un poulet, c'est un quart de poulet. Puis là, ils arrivent derrière toi, puis là, tu vois les gyrophares. Voyons donc, toi là, qu'est-ce que tu veux? Lâche tes plumes. Puis là, il arrive, puis avec sa chanson, mon truc en plume. Et puis mon flingue. Si tu n'as pas de mots, je vais te tirer de là. Mon truc en plume. Et puis mon flingue. Hey, le corps de poulet, puis avec les micros, puis les pistolets, on n'a pas, on est fortaise. Eh bien, continuez maintenant. Là, c'est pas ça, là. Il débarque de sa voiture, lui, là, puis là, il dit, avez-vous vos cartes? Ben, j'ai mes cartes de CKRL, je suis membre depuis 1997. Regardez-moi ça. 97, OK, ici. 98. 99, 2000, hey, j'ai passé le 2000, moi, comme tout le monde, là, c'est bon, hein. 2001, attention, hein, 2002, la couleur a changé en 2002, c'est beau, hein, 2003, là, il y avait, regardez le petit visage, là, 2004, 2005, 2006. Hey, 2007, c'est Tania Beaumont qui me l'a donné, cette carte-là en main propre. Hey, j'ai donné 25 $ de plus parce qu'elle me l'avait donné, c'est Tania Beaumont. 2008, c'est toujours Tania Beaumont, puis j'ai pas donné 25 $ de plus parce que j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais perdu mon emploi. Et puis, ici, c'est l'année avant, et ça, c'est 2010 et 2011. Est-ce que je suis sauvé? C'est pas ces cartes-là qu'on vous demande, mon cher monsieur. Ben, je suis membre de CKRL. Ouais, mais c'est vos cartes d'identité. Ben, je suis identifié à CKRL. Monsieur, c'est pas assez. Ça, on voudrait quelque chose de plus sérieux. Mais c'est... Hey, CKRL, c'est très... Hey, toi, là. Hey, le corps, là, toi, là. C'est très sérieux, CKRL. C'est une radio qui nous aime. C'est une radio qui t'aime. Toi, t'es-tu membre de CKRL? C'est pas moi qui dont il est question, c'est vous. Il y a qui? C'est pas de moi dont il est question, mais c'est vous. Oh, OK, mais le dont il est question. Vous n'êtes pas un bon comédien? Je suis pas un comédien, moi. Je suis ici pour régner la loi. Oh, monsieur, la loi. Ne jouez pas à loi. Vous n'avez pas de longue plume. Vous n'avez qu'un petit... Un petit truc. Un petit truc, là. Non, un petit truc. Un truc en plume. OK, arrête-moi ça. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. On va se mettre à dos tous les trucs en plume. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien, une consonance de l'esprit. Il mérite bien juste ça. Il y a quelques petites plumes qui s'agitent en se disant « Attention, moi, j'ai un gun, moi. Hein? J'ai des plumes, mais j'ai un gun, moi. Hein? » Hey, ouais, mais t'as une formation. J'ai une formation de gun, moi. Hein? Ouais, c'est ça. Lâche ta gomme et lâche ton... Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation. Allô? Oui? Exact. Oui, OK, on s'excuse, c'est pas parce que vous êtes des, mangez, oui, OK, mais si vous, je connais mon avocat, Sylvain, il nous écoute, on va vous, merci, oui. OK, mais je fais une émission de radio. Oui, je suis un tabac. Je serai en prison. Oui, OK. Je suis un moins... OK. Je vous dois rester... Oui. Mais voulez-vous manger? Oui. OK. Oui. D'accord. OK, là, ouais, je... Vous êtes des merveilleux. OK, on va. Je suis en présente. C'est quand? Hey, on peut. Mais je dois couper. C'est pas manque de reste. C'est parce qu'en non. Les gens nous. Allô? Monsieur. Oui, c'est merveilleux. Vous êtes des. Mangez des fruits, hein? Oui, on peut pas vous... On doit se laisser... Il y a des gens qui... Oh oui, merci. OK. On se revoit... Mon avocat... Sylvain... Oui, OK. C'est lui, oui. Ben oui. OK. Ben... Amenez l'ambulance... Jusque. Je termine dans 35 minutes. OK. Mais si vous tirez. Moi, j'ai pas de. Je peux mourir. Il y a des bombes. On peut mourir. OK. Ah ben, amenez deux ambulances. Une ambulance. OK. Mais est-ce que Sylvain peut passer? Non, OK. Mais merci, hein. OK, bon, au revoir. À la prochaine. Le moment s'invite à nous pour un élan. Excusez-nous, on a eu un appel d'urgence sur un cellulaire. À CKRL, ça va, on va continuer, OK? Le moment, c'est... j'ai plus le goût, moi, là. On dirait que j'ai un mouton au bout de l'arbitre. Je pourrais... Est-ce que je peux appeler mon avocat, Sylvain Hein? Je peux la... On n'a pas le... C'est pas le... Oh, mon doux, mais est-ce que l'ambulance va venir avant ou si la madame va m'appeler à... OK. Ça va très bien. On vous aime tous. Restez à l'antenne. Vous pourrez entendre toutes les cris. Oh, mon... Hey, s'il me disperse, là, est-ce que vous pouvez... Y a-tu un chirurgien? Y a pas de... Le moment... Oh, mon doux, ça va très bien. Ils font partie de... Oh, mon Dieu! Le moment s'invite... J'ai chaud, moi, là, là. Comment t'es chaud? Non, j'ai chaud. Vous êtes... Ah, mon Dieu, ouais, j'ai des chaleurs. Au niveau de la bézelle, moi. La bézelle Washington, moi. Ah, bon, je me sens comme... Le comédien, le gens qui rit, le gens qui pleure. Le comédien joue du bonheur, joue du malheur. Là, c'est un mal. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Comment j'ai la voix qui coupe un peu? Madame Tremblay, mais on dirait que t'es étrange, toi, là. Ben, c'est parce que... Arrête donc, continue! Ben, j'aimerais... Pouvez-vous continuer? Ah, on peut pas, non, ben, c'est pas de moi, c'est qui, Rénal Gagné? Ben, c'est moi, mais là, j'ai été... Arrête donc, on fera rien. Ben, je sais que vous ferez rien. C'est ça le problème, moi, là. Si on peut appeler mon avocat, Sylvain, est-ce qu'on peut? On va le faire, là. Relax, cool. Quoi, cool? Je coule. Vous trouvez pas que... Pouvez-vous essuyer en bas? J'ai coulé tout le monde. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation. Peux-tu passer une petite chanson? Non, on n'a pas le temps. Oh, on n'a pas le temps. On est déjà en retard. Oh, mon Dieu, c'est l'anarchie, c'est la fête. Je vais mourir. Avec ce fil Ariane. Quoi? On va mourir avec un fil Ariane? Non, mais c'est la création, le mot, qu'on va, la consonance de l'esprit, la flûte qui nous amènera. OK. Alors, place au théâtre! Chut! La musique réplique sa sonorité à chaque mètre carré. À chaque pouce délabré, moi qui amène le mercure, en haut du Celsius! Oh mon doux! Crois-moi, mon petit Gérubin, non, c'est-tu Rubin, Tirubin, que Monsieur Tremblay connaît sa volupté jusqu'au mètre carré. La preuve, mon Dieu, ça sent la... nous prépare de la nourriture étrange, hein? Ben oui, avec de la mort auront-ils notre âme? Oh, mon... vois-tu le tunnel? On voit pas le tunnel. Vois-tu la main? On voit pas la main. On n'est pas là. Alors, la musique. Oh, c'est... Aïe, danser. Tout nu de musique. Comment? Tout une musique. C'est tout nu. C'est... Non, habillé. C'est... Tout une musique qui nous amène à l'âme. C'est toute une musique qui nous rappelle la flamme. C'est toute une musique sous les sentiers goudronnés, devant l'épée déjà levée. C'est l'hymne, non. C'est... On sent là. Qu'est-ce que tu fais? C'est ma poupée, OK. C'est toute une musique à poupée. Qui dis-le pas trop fort, OK. C'est toute une musique. Hey, on va couper. Non, on peut pas couper. C'est... Vas-tu arrêter? C'est... On le sait, c'est... C'est toute une musique qui nous amène à l'âme. C'est toute une musique qui avance dans l'âne, hein, mon doux. L'âne ou l'esprit, voilà, ainsi soit-pile. La musique réplique sa sonorité à chaque mètre carré, à chaque pouce, la volupté s'amène et s'érige et se laisse trépasser devant un soleil trop ensoleillé. Hey, trop ensoleillé, c'est beau, là. Quand tu mets le pouce ensoleillé, là, est-ce que je peux vous raconter mon rêve? parce que... Ah, bah, arrête donc, t'es pas dans un centre. Je suis dans un... Oui, je suis dans un centre. Moi, je travaille la nuit, donc j'essaie de dormir le jour. J'essaye. Essayer. Essayer. Essayer, c'est vouloir. Vouloir. Mais vouloir, c'est pas déjà pouvoir. Non, c'est vrai. Vouloir, c'est pas pouvoir, mais tenter. Tenter. Tenter de substanter à la nuit en plein jour. Alors donc, je tente de dormir. Et j'ai rêvé l'après-midi, l'autre après-midi, l'après-midi dernière, la dernière après-midi, j'ai rêvé à quelque chose. Tu rêves aussi l'après-midi? Le jour, le soir, la nuit, je rêve n'importe quand, mais on peut rêver. Lorsqu'on dort, on rêve. Alors que ce soit le jour, le soir, la nuit, on rêve quand on peut, quand on a la chance, quand on a la souvenance de rêver. Et puis hier, oui, je vais vous raconter un peu mon idée. Ça va devenir une nouvelle. Mon doux Seigneur. On peut pas continuer. Comment ça, on peut pas continuer? Non, non, non, non. Je veux pas le... Ah, il veut pas vendre l'âne. Non, je veux pas vendre l'âne avant de l'avoir échoué. Ah, ben ça, c'est vraiment... Mais comment ça, tu... Attends. Comment tu nous dis le début puis tu veux pas terminer vers la fin? Ben, c'est comme ça, là. C'est toute une musique, c'est tout un chagrin, c'est toute une histoire, puis c'est pas maintenant. Oh... Je peux vous dire qu'il y avait là-dessus... Là-dessus, sur la cime de ce rêve, Émilie Simon. Cette nuit de la poésie, wow! Quand on dit que l'on a petit wow! C'est vraiment vrai! C'était parfait! Oh, j'ai ini, j'ai pleuré, j'ai ri, wow. J'ai fait tous les temps. Oh, j'étais très dedans. Tu as pris tous ceux qui ont voulu dans tes bras. Oui, j'ai pris tous ceux qui ont voulu dans mes bras, dans mes bras. J'y étais, ce que j'ai dit est vrai. Je couvrais la palette au complet des émotions. Je trouvais ça bon. Je suais tout l'eau de mon corps. À la fin, j'en voulais encore. J'étais comme fou. J'en étais partout. Wow.

Un jour, tu pourras vivre mieux. Lorsque tu... Encore et encore! Hey, monsieur, qu'est-ce que tu dis là, toi, là? Ben, encore et encore, c'était des messages subliminaux. Oh, ça, on n'aime pas ça. Pourquoi? On comprend pas. Ben, pourquoi? Ben, parce que c'est subliminal. Ah, c'est juste les Renault qui connaissent. Non, c'est pas Sylvain Renault comme Raymond Queneau. Raymond Queneau! Vous comprenez-vous, Renaud Queneau? Queneau! Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. La liaison est-elle à propose? Pas du tout. Alors nous recommençons et oublions la partouze. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône. Tu parles comme Louise, la chanteuse avec Robert Charlebois. Là. Louise Latraverse. Non, c'est Louise Forestier. Dans la prison de Londres. Dans la prison de Londres. Un petit nom chantait. Chante, rossignol, chante, c'est quoi ça, la tourloute? Quand le rossignol chante, toi qui as le cœur gai, Dans la prison de Londres, dans la prison de Londres, un rossignol chantait. Chante, rossignol, chante, Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai, Ah ouais, le cœur gai. La mer, le cœur gai. Qu'on voit danser le long des golfes clairs. Ça, c'est un cœur gai. À des reflets d'argent, la mer. Oh mon Dieu, il se noie. Comme des sillons d'infini. Voyez ces goélands et ces belles roulées. Comment c'est? Belles roulées. Le long des golfes clairs à des reflets d'argent la main. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure, repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré, relatons la biographie d'une icône illustre du passé revisitée ici et maintenant, Marcel Lebel alias Orson Welles. Marcel Lebel était un petit enfant bien ordinaire, très ordinaire de Montréal, qui un jour... reçu par son papa une caméra tout à fait idiote, comme toutes les caméras lorsque l'on n'en sait point la connaissance et la structure propagandiste qu'elle peut évaporer à travers des regards autres que la nôtre. Hey, c'est bien dit. Merci beaucoup. Vous êtes un orateur. Je suis un adorateur. Un adorateur. Les gens m'adorent. Parce que tu es... un adorateur. Oh, monsieur, vous adorez qui? Pas moi, mais les autres. Vous adorez les autres? Non, les autres m'adorent. Pourquoi? Parce que je suis un adorateur. Un adorateur, OK. Marcel Lebel, alias Orson Welles, a débuté très, très timidement à Montréal à filmer ses congénères. Oh mon Dieu, il y en avait des cons. Ah, il y en avait partout des cons. De cons d'ici, de cons à là. Sans passer par Québec, parce que il n'y a aucun con à Québec. Oh, tous les cons sont à Montréal. Oh, monsieur. Ils paraissent qu'ils vont souffrir un jour. Qui ça? Les gens de Québec. Oh, mon, c'est pas vrai? Ben oui. Comment ça? Mais on sait pas. Oh, mon Dieu, on est perdu. Alors, Marcel Lebel a filmé tous ces êtres ignobles okay. qui voyaient vivre autour de lui. Sa famille. Sa famille normale. Pas très normale, puisque Il dormait constamment. Qui ça? Marcel? Non, la famille dormait. Alors, c'était les dormés Marcellos Laboise. Oui, monsieur. Alors donc, un jour, mon Marcel voulait élaborer sa structure cinématographique ailleurs qu'à Montréal, voyant que tout était sclérosé, et partise un jour à Bruxelles rencontrer Jacques Babel, le grand Jacques Babel qui chantait déjà sur les ports de Madame. Il y a des infâmes qui se mangent les ronces et qui se grugent la ruge. Et donc, à Bruges, avec Jacques Babel, Marcel Lebel découvrit une certaine agonie de la société parce qu'il racontait sa famille et Jacques Babel lui disait « Tu vois, petit, tu n'es pas que, que le socle de ton existence. » Tu es le poids de ta vie. Mais monsieur, qu'est-ce que dit? Il a dit, tu n'es pas le socle de ton existence, mais le de ta vie. Ah, non, il n'a pas dit ça, Jacques Babel. Non, ben oui, ben, le grand Jacques Babel. Et un jour, ce Jacques Babel, qui aimait bien les petites élancées, l'a amené de Bruxelles à Paris. À Paris. Et un jour, il a rencontré Arsène Lupin. Oh mon Dieu, c'est pas vrai, le voleur. Arsène, le vrai. Arsène Cambrioleur est un vrai seigneur. Il vient chez vous la nuit sans récolter votre sommeil. On récolte le sommeil de Madame Tremblay. Madame Tremblay, pouvez-vous récolter du sommeil? Voilà, on récolte du sommeil. Prends-en. OK, n'en avons-nous assez? Non, on en a assez, on s'en va. Jean-Clément Cambrioleur est un vrai seigneur. Il s'en va chez vous la nuit sans réveiller votre sommeil. Il va chercher la vue qui... La vue qui vous cache. Est-ce que c'est la vue? Un jour, Marcel Lebel se prit pour un grand réalisateur et partise en partouze vers New York City, rencontrer Dean Martins, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. Il devint un grand réalisateur. Grand, très grand, là. Comment? D'1,50 m, très grand. Il réalisa The Land of Shanghai. Et aussi sous les gaines. Près de vous, avec vous, jeu de jade, sous des gaines, si c'était une zaine, si c'était une gaine, se réveille devant la rengaine sous cette enzaine. Et puis quoi? Ben, c'est rien d'autre que de la fleuriture derrière la morsure. La morsure! Sa mort! Laisse-moi jouer avec ton nounours. Toutes ces données qu'il faudrait que j'épluche. Laisse-moi jouer avec ta pluche. Fugitif dans la jungle, je me bagarre pour sauver ma peau. Avec la suite bougie et une épingle, on m'a tatoué un S dans le dos. Capital, est-ce pour survivre au scandale? Je me suis pris tout un tas de raclés

je me souviens pas ce qui me disait de faire ou ce qui me disait pas. J'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais plus ou moins chaud. Quoi, je voulais trop, je m'aimais, c'est que je ne voulais pas. Quelque chose je ne connais pas, je gâtais là. Un passage, laisse pas me faire vivre. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.